Je l'eusse été de mademoiselle Gothon, en turc, en furieux, en tigre, si j'avais seulement imaginé qu'elle pût faire à un autre le même traitement qu'elle m'accordait, car cela même était une grâce qu'il fallait demander à genoux. J'abordai mademoiselle de Vulson avec un plaisir très vif, mais sans trouble. Au lieu qu'en voyant seulement mademoiselle Gothon, je ne voyais plus rien. Tous mes sens étaient bouleversés. J'étais familier avec la première sans avoir de familiarité. Au contraire, j'étais aussi tremblant qu'agité devant la seconde, même au fort des plus grandes familiarités. Je crois que si j'avais resté trop longtemps avec elle, je n'aurais pu vivre. Les palpitations m'auraient étouffé. Je craignais également de leur déplaire, mais j'étais plus complaisant pour l'une et plus obéissant pour l'autre. Pour rien au monde, je n'aurais voulu fâcher mademoiselle de Vulson. Mais si mademoiselle Gothon m'eût ordonné de me jeter dans les flammes, je crois qu'à l'instant, j'aurais obéi.